Elle s'appelle Michiko Yamagachi. Elle était serveuse dans un vieux resto japonais. Elle avait un petit truc, oui, un drôle de petit truc. Mais pas les autres filles de son genre. Quand elle ramenait des nems ou du poulet au bambou, on aurait dit qu'elle les ramenait sur un coussin de velours. Oui, vraiment, cette fille était unique. Elle s'appelait Michiko Yamagachi. Un jour, je lui demanda, vous imaginez pas, j'y ai demandé sa main, en plus de mon sushi. Elle s'appelait Michiko Yamagachi. Elle me dit d'attendre un peu, le temps de réfléchir. Et j'ai attendu pendant 37 nuits. Et finalement, elle a dit oui. Et on s'est mariés sous un grand cerisier. On a eu deux gamins, Sakura et Kenichi. Elle s'appelait Michiko Yamagachi.